c'est pour mes fêtards, mes négros, mes vrais gars. Mes gras jusqu'au mégot, sans eux où j'en serais gars. Y'a de ces drames dans le ghetto, rien qu'on s'écrase. Personne ne sait pas, beaucoup décèdent avant de laisser trace. Y'a toutes ces crasses, la rupture, nos âmes frôlent la rue. Tu affoles les stats pour des iPhones. J't'informe, juste pas le top des chartes. J'vois que ces tasses écartent leurs fesses comme une grosse chatte. Faut que je sache, suis-je maraboudé? La maille m'a boudé, j'tave, j'ai du mal à bouffer, j'ai tout fait. Serrer la ceinture jusqu'à étouffer, j'veux souffler, mais j'crois bien qu'ils m'ont touché. Un animal blessé, gare à la morsure. J'me torture l'esprit, j'suis un mélange nord-sud. J'rentre pas dans leur case, ni même sur la mesure. J'suis un chien de la classe, qu'ils sachent à qui se mesure. Honneur et amertume, ici y'a pas de futur. Un tas de retours fait qu'on tire pour des failles futiles. La rue tue, pourquoi j'peux pas vous le dire? J'ai vu tout, maintenant les temps que j'me tire. Honneur et amertume, ici y'a pas de futur. Un tas de retours fait qu'on tire pour des failles futiles. La rue tue, pourquoi j'peux pas vous le dire? J'ai vu tout, maintenant les temps que je me tire. Dur de rester tranquille, passer les 30 piges. Le quartier transpire sous la chaleur du P38. Les petits veulent plus grandir, c'est des orfres, frère. Une sorte de guerre qui finit au 36 qui est des orfèvres. Qu'est-ce tu croyais? Qu'à coup sûr enfoiré. Enfoiré, mon futur, je le vois pas au foyer. Si la roue est voilée, je roule sur la jambe. Les gens jacques, mais à clé pour j'y crache sur l'argent. Le temps a les maths, année après année, je monte. Marche vers mon heure, réglé comme une montre. Le monde est fou, allié, comme un viril Châtillon qui aime bien châtier. Dis bien là, ça en dit long. Les petites sans Andrion font les reines sans embrier. Jet dans le sang Andrier, stap au moins 100 en millions. Combien verront l'automne sans toi l'hiver? Ou s'enfuiront noyés dans du rhum, trois rivières. Honneur et amertume, ici y'a pas de futur. Un tas de photos fait qu'on tire pour des failles futiles. La rue tue, pourquoi je peux pas vous dire? J'ai vu tout, mais dans les temps que je me tire. Honneur et amertume, ici y'a pas de futur. Un tas de photos fait qu'on tire pour des failles futiles. La rue tue, pourquoi je peux pas vous dire? J'ai vu tout, mais dans les temps que je me tire. Dis-moi au fait, devait-il pas nous civiliser? On a subi les fouets, alors pourquoi on est si divisé? Depuis lycée, j'ai compris que ça pue ici. Que pour réussir, fallait encaisser les coups des policiers. J'ai vu aussi que seule la haine fleurissait. Une fois furieux, on sait qu'il est trop tard pour faire reset. Y'a pas de miracle, seul le mal fait recette. Les mauvaises herbes abondent, donc les manes se resservent. Guette la scène médiatique, le cul dans le sofa. La sphère étatique est remplie de putain de chauffards. La sauce sera épicée, peut-être appréciée. Après ça, l'épicier voudra niquer le préfet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se défonce au hack. On fait taire la critique comme Evra d'un high kick. J'suis un diamant brut qu'ils ont pas su polir. J'ai vu trop de fils de pute pour rester poli. Honneur et amertume, ici y'a pas de futur. Un tas de photos fait qu'on tire pour des vibes futiles. La rue tue, pourquoi j'me...